Chapitre 3e. La convalescence de Madame Dalone fut longue et accompagnée de rechutes qui prouvaient jusqu'à quel point sa santé avait été altérée. Mais la force de son organisation triompha du mal. La première fois qu'elle put quitter sa chambre, Henri s'approcha d'elle et lui tendit la main. Le médecin était là. Esther mit sa main dans celle d'Henri en souriant. Quand ils furent seuls, Henri se pencha pour embrasser sa femme sur le front. Madame Dalone l'arrêta. « Vous ne m'avez donc pas comprise, monsieur ?» lui dit-elle. « Si je vous ai donné la main tout à l'heure, c'est parce que quelqu'un était là. » Monsieur Dalone voulut parler. Esther l'arrêta d'un geste. « Tenez, monsieur, puisque vous avez appelé notre entretien sur ce chapitre-là, épuisons-le d'un coup. S'il vous plaît encore de vivre avec moi, vous le pouvez. Mais voici à quelles conditions. »« Des conditions, à moi ?» fit monsieur Dalone. « À vous, monsieur. » Et ces conditions, les voici. Devant le monde, nous serons ce que nous avons toujours été. Le monde ne doit rien savoir. Quand nous serons chez nous et seuls, le masque tombera et nous serons étrangers l'un à l'autre. Le voulez-vous? Et si je refuse? Alors je vous quitterai. Monsieur Dalone tressaillit. Me quitter, vous? S'écria-t-il. Oui, monsieur, parce que vous m'y aurez contrainte. Assez là-dessus maintenant. Vous savez que je ne mens jamais et vous êtes prévenu. M. Dalone connaissait assez Esther pour savoir à présent qu'elle était d'un caractère à tout braver. Mais il espérait, à force de tendresse et de soins, réveiller en elle l'amour d'autrefois. Ce fut une vaine espérance que ses premiers efforts eurent bien vite dissipé. Sa passion s'accrut de cette résistance, et tout ce qu'un amant peut essayer pour amener une maîtresse, Henri le tenta pour séduire sa femme. Esther était alors orpheline. Le baron de Noisy était mort, et M. André Noisy l'avait suivi de près, si bien que l'arrondissement de Joigny avait été privé tout d'un coup de ses deux illustrations. Elle se sentait seule au monde avec le cœur tout plein de cendres. Sur ces entrefaites, le hasard voulut que M. de T. la rencontrât. Ses regards lui prouvèrent qu'elle était toujours aimée, et ce jour-là, Esther entra chez elle, pensant l'avenir bien plus qu'au passé. Ce jour-là, M. Dalone, par une incroyable fatalité, se laissa aller à un de ces emportements qui lui étaient familiers, et après avoir prié, il menaça. Esther résolut d'en finir sur le champ. Chez une femme de ce caractère, il n'y avait entre l'idée et l'exécution qu'un pas. Ce pas, elle le franchit sans hésiter, et une heure après, M. de T. vit entrer chez lui une femme qui, levant son voile, lui découvrit le visage de Madame Dalone. M. de T. ne put retenir un cri de surprise. « Vous, ici ?» Esther ne connaissait pas le monde. Son amour l'avait jusqu'alors empêchée de le voir autrement qu'à la surface. M. de T. lui avait écrit qu'il l'aimait. Pour elle, aimer, c'était donner sa vie. Au cri de M. de T., Esther répondit donc naïvement « Je n'aime plus, M. Dalone, et vous m'aimez. Il ne me reverra donc plus. » Cette candeur épouvanta M. de T. Il regarda Mme Dalone en face, tout éperdu. Cette intrigue parisienne qu'il avait rêvée se transformait en roman espagnol. Du vaudeville, on faisait un drame. C'était trop pour son cœur. « Mais, madame, s'écria-t-il, avez-vous réfléchi aux conséquences de cette démarche ?» Madame Dalone sourit tristement. « Je sais que le monde me condamnera, et je vous remercie de m'y avoir fait penser encore, mais, si vous m'aimez, je vous remets le soin de ma vie. » Si la réputation d'Esther n'avait pas été au-dessus de tout soupçon, M. de T. aurait pu croire qu'elle était de celles qui poussent la corruption jusqu'à se faire un masque de la candeur. Mais elle était comme entourée d'une auréole d'innocence, et la douce clarté de ses grands yeux bleus avait tant de pureté qu'il ne s'arrêta pas une seconde à cette pensée. L'autre était bien plus terrible pour un attaché au ministère des Affaires étrangères en passe d'être nommé prochainement secrétaire d'ambassade. M. de T. était brave, et ce n'était pas la perspective d'un coup d'épée à donner ou à recevoir qui l'épouvantait. Mais dans cette aventure, il voyait son avenir compromis, la carrière des ambassades perdue, tout espoir de mariage anéanti, et au-delà de cet avenir, une passion implacable collée à ses flancs comme la tunique de Déjanire. M. de T. entrevit toutes ces conséquences comme on voit un abîme dans un éclair. Il garda quelques instants un silence embarrassé. Esther, qui attendait un cri de tendresse et d'amour, leva sur M. de T. ses yeux clairs et profonds. Elle saisit ses pensées au vol et tout son visage devint pourpre. « Madame, lui dit M. de T., votre démarche me touche et me ravit. Croyez que ma reconnaissance et mon dévouement vous sont acquis. Je vous aime, mais de grâce, pour vous-même, songez à ce que vous allez faire. » Il voulut continuer. Le regard que Madame Dallone lui jeta le fit balbutier. À bout de parole, éperdu, épuisé, il s'arrêta. « Est-ce assez ?» dit Madame Dallone d'une voix brève. « Il ne fallait pas tant de phrases pour me dire ce que j'ai compris trop tard. Madame, croyez... Ah, monsieur !» fit Esther en interrompant d'un geste le futur secrétaire d'ambassade. « Je ne vous demande qu'une chose. C'est la grâce de vouloir bien ne pas m'accompagner jusqu'à la porte. » Un instant après, Madame Dallone était dans la rue. Il tombait une petite pluie fine et la nuit était venue. Sans savoir ce qu'elle faisait, Esther reprit le chemin de son hôtel. Ses jambes avaient peine à la porter et ses artères battaient à coups pressés. En rentrant dans sa chambre où flambait un feu clair, où 10 bougies jetaient leur clarté, Esther tomba sur un fauteuil. Ce qui venait de se passer lui semblait un rêve, mais quand le souvenir de son humiliation lui revint tout entier, des larmes brûlantes jaillirent de ses yeux. Repoussée et seule, seule, dit-elle en levant ses mains vers le ciel. En ce moment, M. Dallone survint. Sur un meuble près de la porte était le chapeau d'Esther tout trempé de pluie. Il le vit. « Vous êtes donc sortie à pied, Esther ?» lui dit-il. Esther tressaillit à cette voix. « Oui, » répondit-elle. « Mais où donc êtes-vous allée ainsi seule et par ce temps ?»« Je suis rentrée pour vous le dire, » s'écria Madame Dallone, le cœur à bout de souffrance. « Je savais bien que quelque chose me poussait ici. »« Eh bien ?» dit Henri, inquiet. « Je suis allée chez celui qui a écrit la lettre. Vous savez, la lettre que j'ai jetée au feu. » « Misérable !» s'écria M. Dallone qui s'élança vers sa femme. Esther était debout, les bras croisés sur sa poitrine. Sa paupière ne s'abaissa pas aux cris de son mari, et pleine d'indifférence, elle attendit. Henri s'arrêta devant elle, les bras levés, si près que son souffle brûlant effleurait le visage impassible d'Esther. « Oh ! » dit-il d'une voix sourde et comme vaincue par ce suprême sang-froid, « me direz-vous son nom ?» « Son nom ?» répéta Madame Dallone. « Oh, il ne vaut vraiment pas la peine que vous le tuiez. Il m'a repoussé. »« Le lâche !» s'écria le mari. Ce cri, qui venait du cœur, mit une larme dans les yeux d'Esther. « Ah ! » dit-elle, « au moins dans votre cœur, à vous, y a-t-il de la passion ?» M. Dallone se tut et se promena quelques instants par la chambre, plus pâle qu'un mort. Au bout de 5 minutes, il tira vivement le cordon d'une sonnette. Un domestique arriva. « Vite !» dit M. Dallone, « qu'on aille me chercher des chevaux de poste. Et vous, madame, apprêtez-vous, nous allons partir. »« Nous partons ensemble ?» s'écria-t-elle tout étonnée. « Ensemble. Après même ce que je vous ai raconté ?»« Après et quand même !» dit M. Dallone, frémissant de colère, de haine et d'amour. « Que votre volonté soit faite, » reprit-elle. « Vous savez pourtant bien que je ne vous aime plus. » Une heure après, les deux époux sortaient de Paris. Le ciel était sombre et l'horizon tout chargé de lourdes nuées qui jetaient en passant des rafales de pluie sur la campagne. La nuit était triste et funèbre, moins triste et moins funèbre cependant que le fond de leur âme. Ils coururent ainsi jusqu'au Jura, presque sans échanger une parole ni un regard. Ce n'était peut-être plus de l'amour qui palpitait dans le cœur d'Henri, mais c'était bien certainement l'horreur d'un autre amour. Il se révoltait à l'idée que sa femme lui échappait, et les réactions de cette âme impétueuse et mobile avaient toutes les apparences de la passion sans en avoir la vérité. Un accident survenu à leur voiture les força de s'arrêter quelques instants dans un hameau à quelques lieues en arrière de Poligny. Ils étaient à peine descendus depuis 5 minutes dans une méchante auberge lorsque le fouet d'un postillon se fit entendre sur la route et au même instant, M. de T entra dans l'auberge. À sa vue, Esther ne put retenir un cri de surprise. De son côté, M. de T tressaillit. Ce double mouvement n'échappa pas à M. Dallone. Le nom qu'il avait cherché vainement, il le savait à présent. Il s'avança droit vers M. de T. C'est le hasard, sans doute ? Dit-il en le saluant, « qui vous a conduit sur cette route ?»« Non, vraiment, » répondit M. de T. « Une mission inattendue m'a contraint de partir sur le champ de Paris. Je vais à Milan. » M. Dallone passa son bras sous celui de M. de T et l'entraîna vers la porte. Quand ils furent hors de l'auberge, il s'arrêta. « Votre mission n'est pas tellement pressée, lui dit-il, que vous ne puissiez m'accorder au moins 5 minutes. » M. de T. regarda M. Dallone et comprit. « J'ai des dépêches à porter, monsieur. À mon retour, je me mettrai à votre disposition. »« Non, monsieur, » reprit le comte en serrant fortement la main du secrétaire. « Un ministre peut attendre, un mari n'attend pas. » M. de T. ne répliqua rien et s'inclina. Il y avait en ce moment, de passage dans le hameau, une compagnie de grenadiers qui allait tenir garnison à Poligny. Les deux adversaires prièrent 2 soldats de les accompagner, et s'étant munis de pistolets que M. de T. avait dans sa voiture, ils poussèrent jusqu'à un petit bois voisin de la route. 4 minutes après, on entendit 2 coups de pistolet. M. Dallone sortit seul du bois. Son habit était percé d'une balle au collet. Il entra dans l'auberge et monta dans une chambre où une servante lui dit que sa femme s'était retirée. Esther était debout près de la fenêtre, le front appuyé contre la vitre. Elle se retourna au bruit que fit M. Dallone en rentrant. « Ainsi, vous vous êtes battue ?»« Oh, ne tremblez pas pour lui, madame, » répondit le comte avec un sourire amer. « Ma balle a rencontré une pièce de monnaie dans sa poche. Il est tombé sur le cou, mais il en sera quitte pour une contusion. » Madame Dallone secoua la tête. « Que m'importe qu'il vive ou qu'il meure à présent. Mais vous, Henri, pourquoi vous exposez à être tué ? Tenez, il a failli vous atteindre. Que vous ai-je donc fait pour vouloir ajouter un remords à la tristesse qui me dévore ?» Esther s'approcha de la cheminée. Comme elle chancelait en marchant, Henri s'élança vers elle et la soutint dans ses bras. Ils se regardèrent, et les yeux attendris de la jeune femme se voilèrent d'une larme. Elle prit la main de son mari. « Henri, nous nous sommes fait bien du mal l'un à l'autre. Voulez-vous me pardonner comme je vous pardonne ?»« Je n'ai rien à vous pardonner, Esther. Moi, je vous aime. » Esther secoua sa tête tristement. « Il ne faut plus nous faire de ces illusions, mon ami. Elles sont terribles au réveil. Non, vous ne m'aimez plus, pas plus, mon Dieu, que je ne vous aime. » Henri trembla comme au choc d'une étincelle électrique. « Encore ? » dit-il. « Écoutez-moi, » reprit Esther en lui pressant les mains. « Oseriez-vous affirmer que cet amour que vous prétendez avoir est semblable à celui des premiers jours ? Celui-là est celui que je pleure, le seul que je me rappelle. Celui-là est mort entre nous. Je ne vous reproche rien, mon ami. Vos torts, si vous en avez eu, étaient ceux de votre âge. Mais je suis ainsi faite que rien en moi ne peut rallumer ce que le malheur a éteint. Entre nous, la confiance est perdue. Henri, séparons-nous. » « Jamais !» dit Henri qui serrait les mains d'Esther entre les siennes. « Mon Dieu, » dit-elle, « cette vie amère, toute semée d'alarmes, de soupçons, de plaintes, vous plaît donc bien ? Croyez-moi, nous ne pouvons nous pardonner sérieusement qu'en nous disant adieu. Je suis seule aujourd'hui. L'espérance de mon avenir est brisée, » reprit-elle en éclatant en sanglots. « Ma mère était morte quand j'étais encore une enfant. Mon bon vieux père est mort lui aussi. Je n'ai plus rien à faire au monde. » « Mais ne suis-je donc rien pour vous ? Vous serez pour moi un ami quand nous serons séparés. Près de vous, Henri, je le sens, je me souviendrai toujours. Je prierai pour vous quand les portes d'un couvent se seront fermées sur moi. « Vous, dans un cloître ? » s'écria M. Dallone. « Oui, moi, » reprit Esther avec un doux sourire. « J'ai aussi des torts à expier. Ce que j'ai fait est une faute, je le sens bien à présent, mais j'avais le cœur ulcéré. J'ai pensé bien des fois à me tuer, mais je suis si jeune encore que je n'en ai pas eu le courage. Henri, vous serez malheureux avec moi, laissez-moi partir. Esther, vous ne me quitterez pas. Oh mon Dieu, vous êtes donc toujours impitoyable. Mais vous ne comprenez pas que si je vous prie avec des larmes dans les yeux, c'est que j'ai peur de moi. Tenez, dit-elle en joignant les mains, ne me contraignez pas à faire le mal. Vous m'aimez, vous. « Mais ignorez-vous donc que si je devenais mère une seconde fois, j'aurais peur ?» Henri frissonna, mais l'entêtement l'emporta. « Esther, vous me suivrez » s'écria-t-il. Esther leva ses 2 mains vers le ciel avec un élan désespéré. Puis, abaissant son regard vers Henri, elle ajouta, d'une voix résignée, « Je suis prête, monsieur. Partons. » Depuis qu'ils étaient arrivés au pied du Jura, les premières rigueurs d'un hiver précoce avaient chargé les routes de neige, et sur les crêtes lointaines commençait à descendre un noir rideau d'épais nuages. Le postillon fit remarquer l'état du ciel à M. Dallone, mais M. Dallone, à qui le repos était impossible après une pareille scène, lui fit signe de continuer. On relaya et la voiture s'enfonça dans les montagnes. Vers le milieu du jour, on arriva sur la plus haute rampe d'un plateau où la neige durcie rendait la marche des chevaux difficile. Le postillon mit pied à terre. Esther et M. Dallon descendirent pour soulager l'attelage. Un brouillard couvrait la montagne. À 100 pas sur la route, on ne voyait plus rien. Esther chancelait sur la route où le givre craquait sous ses pieds. Henri s'approcha d'elle et lui prit le bras pour l'aider. Il marchait lentement et la voiture disparut bientôt sous les voiles flottants de la brume. Il y avait un quart d'heure déjà qu'ils étaient partis lorsque tout à coup un cri déchirant traversa l'espace, un autre cri lui répondit et tout rentra dans le silence.